Est-ce qu'on pourrait parler maintenant du travail des associations de Transparency International? Comment est-ce qu'ils interviennent? Est-ce qu'ils ont des moyens, eux, pour faire quelque chose? Et comment ils nous informent? Voilà, est-ce que ça serait positif? Ces associations, oui, c'est vrai que les dernières phrases n'étaient pas très positives. Mais en même temps, si vous voulez, c'est comment dire, à mon sens, c'est positif dans la mesure où une prise de conscience est toujours un préalable à n'importe quel mouvement social pour arriver à trouver des réponses satisfaisantes à des problèmes pressants. Donc on a besoin d'une prise de conscience et aujourd'hui on en est à ce stade-là. On est au stade de petit à petit le développement ou la montée en gamme de cette prise de conscience. Et les associations traduisent aussi cela. Moi, j'ai fondé un pôle juridique au sein de l'association Anticor au niveau local à Aix-Marseille. Et ce pôle juridique qui est composé toujours d'ailleurs de juristes et de pas mal d'étudiants de la faculté de droit, se saisit des dossiers qu'on lui apporte et essaie d'apporter des réponses au cas par cas en fonction des problèmes qui sont attribués. Et on a été tout à fait frappé, si vous voulez, dès la création, dès l'origine de ce pôle juridique, par l'incroyable quantité, la dimension des affaires dont on pouvait être saisi. Et il y a un rôle à jouer, clairement, parce qu'on s'aperçoit que dans le contact avec les personnes, vous avez beaucoup de citoyens qui, de près ou de loin, sont ou peuvent être considérés comme des victimes de la corruption, au sens large du terme, ne savent pas comment agir, ne savent pas à qui s'adresser, parfois ont peur de la justice, parfois sont prisonniers aussi eux-mêmes, vu l'ampleur des problèmes de forme de théorie du complot. Ils considèrent que la justice est elle-même corrompue, que tout cela se tient, etc. Et pourtant, on peut faire avancer leur dossier, on peut répondre à un certain nombre de leurs problèmes. Et ça, si vous voulez, ça suppose une action de fond, ça suppose, à mon avis, une professionnalisation des associations, ça suppose une institutionnalisation, ça suppose de trouver des sources de financement, parce que le problème d'Anticor, de Transparency, de Sherpa, les associations qui existent, c'est qu'elles ont des moyens financiers dérisoires. Et il faudrait, à mon avis, se poser une question de fond sur comment faire en sorte que ces moyens soient un peu plus importants et qui permettent justement une spécialisation, une institutionnalisation en interne plus grande. Et pour répondre à cette demande sociale qui est très forte, pourquoi les associations ne pourraient pas, quelque part, servir d'intermédiaire, en quelque sorte, de tiers de confiance entre des citoyens parfois isolés, apeurés, qui n'ont pas les connaissances requises pour savoir comment se sortir de telle ou telle situation, et en même temps de filtre vis-à-vis des demandes extravagantes, et la justice, qui elle-même dispose d'un manque cruel de moyens, de temps, d'argent, de personnel pour s'occuper de ces questions-là. Ça pourrait être une voie d'accès intéressante en connectant un peu ces deux mondes. Et ça permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc oui, il y a un boulevard. Il y a vraiment un boulevard devant nous par rapport à ça. Il y a une demande très forte. Il y a des moyens de faire en sorte que ce soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus, que ça ait beaucoup plus d'impact. Et on s'apercevrait aussi par la même occasion, en travaillant sur le fond de ces affaires-là, parfois individuelles, qu'on pourrait établir des statistiques, on pourrait centraliser des informations, on pourrait avoir une idée beaucoup plus précise de l'état de la réalité de ce continent noir, de ce continent caché. Oui, donc moi je voulais toujours concernant les moyens. Je ne crois pas du tout, comme vous, que le fait d'avoir des procureurs totalement indépendants, ça donnera plus de résultats. On l'a bien vu en Italie, où la corruption est encore plus grave qu'en France. Ici, je parle même pas des procureurs, rien que les magistrats du siège qui sont officiellement des magistrats indépendants, on peut pas leur donner d'ordre officiellement, mais c'est des gens qui aspirent plus à voir évoluer leur carrière de magistrat qu'autre chose pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, vont dans le sens que le pouvoir politique a envie de voir. Je prends un exemple qui est à bas de chez vous. À Nice, le tribunal de Nice, il se passait de drôles de choses dans ce tribunal. Il a fallu que la ministre de la Justice de l'époque fasse venir le procureur de Montgolfier, qui n'était pas un magistrat de Nice, et lui dire « Je vous donne pour mission d'aller voir ce qui se passe dans ce tribunal et de faire le ménage. » Quelqu'un totalement extérieur. Moi, je crois plutôt à des autorités indépendantes avec des vrais pouvoirs d'enquête, etc., comme on le voit, par exemple, pour le contrôleur général, l'ex-contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a fait des rapports terribles concernant l'administration pénitentiaire. D'ailleurs, c'est pas par hasard si l'administration pénitentiaire ne l'aime pas, ce monsieur. Et là, les autorités indépendantes, y compris dans des pays où la corruption est généralisée, comme je vois au Maghreb dans la police, où c'est généralisé du simple gardien de la paix jusqu'au procureur du roi, là... les procureurs ne peuvent rien faire. Eux-mêmes, ils sont dans le système. Et là, ils ont été obligés de mettre en place des autorités indépendantes pour essayer de lutter contre ça. Mais des procureurs indépendants, en Italie, on les a vus même baigner dans les trafics de la mafia. Oui. Alors, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, la différence entre la France et l'Italie. Et j'ai publié récemment un article que je vous invite à regarder sur Internet. Si vous tapez mon nom et comparaison France-Italie, vous allez tomber dessus. Sur justement cette différence, ces écarts. Moi, c'est, mon angle d'attaque, c'était la volonté politique entre la France et l'Italie. Effectivement, il y a un problème de corruption qui est lié à une criminalité de type mafieux qui peut exister de manière très ancienne en Italie, qui est un peu différente dans le phénomène criminel que la France. Mais il y a des raisons intéressantes de penser que le problème n'est pas forcément comment vous le voyez. D'ailleurs, comment envisager un procureur indépendant, sinon comme étant une autorité publique indépendante ? À la rigueur, un procureur indépendant est aussi corruptible qu'une autorité indépendante quelconque, puisqu'il fait partie de ça. Le problème étant que des autorités, si elles étaient administratives, fût-elle indépendante, n'aurait aucun pouvoir d'enquête, puisque à partir d'un certain niveau de pouvoir, vous avez besoin de recourir à un juge qui est seul gardien de la liberté individuelle dans notre pays, comme dans toutes les démocraties dignes de ce nom. Donc le problème va rapidement tourner en boucle, si vous voulez, en rond. Concernant les procureurs et la situation de l'Italie, vous dites que l'Italie est confrontée à un problème encore plus grave que ce que ça a été auparavant. C'est peut-être vrai, on n'a pas forcément de moyens de le savoir. Il y a une chose quand même qui me laisse penser que le problème en Italie n'est pas forcément si différent de celui en France. Vous savez, c'est ces études Eurobaromètre dont j'ai signalé l'existence tout à l'heure, et qui, d'ailleurs, de manière assez intéressante, posent une question aux citoyens qui sont testés, et c'est des milliers de personnes dans chaque pays, dans toute l'Europe. On leur demande, c'est un chapitre intitulé « Expérience pratique de la corruption ». Donc on demande aux citoyens, évidemment sous couvert d'anonymat, connaissez-vous personnellement quelqu'un qui a été amené à verser un pot de vin dans les 12 derniers mois. En gros, la formulation est légèrement différente, mais c'est ça. Connaissez-vous personnellement, donc pouvez-vous attester, c'est l'expérience pratique de la corruption, de quelqu'un qui a versé un pot de vin dans les 12 derniers mois ? Ben, les Italiens répondent oui à 8% ou 9%. C'est colossal. Ça laisse imaginer le problème de la corruption en Italie. Vous savez combien répondent les Français ? 16%. C'est drôle, hein ? Mais ça laisse imaginer une chose. Ça laisse imaginer une chose très simple. Et moi, quand j'ai travaillé avec les juges d'instruction, parce que j'ai, dans l'occasion de mes recherches, j'ai pu travailler avec des juges d'instruction ici à Paris, enfin au pôle financier, on me disait souvent, l'Italie, on a l'impression que c'est un pays totalement corrompu. En fait, c'est la même chose que la France, sauf que l'Italie fait les enquêtes. Donc ça sort dans la presse, et donc les gens le savent. En France, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a des articles de presse, puis pouf, silence, rideau, passer à autre chose. Et que la principale différence entre la France et l'Italie, évidemment, on ne peut pas le vérifier, c'est ce que me disaient mes interlocuteurs, hein, mais la différence principale entre la France et l'Italie, ça ne serait pas tant un problème sur le niveau, disons, de la corruption, qu'un problème d'enquêtes qui sont réalisées ou non. Alors, à mon avis, le problème est quand même un peu au-dessus en Italie. Il ne faut pas se le cacher. Mais les choses ne sont pas aussi tranchées que ce que vous le dites. Et le grand avantage d'un parquet indépendant, c'est quand même... Je vous donne un simple exemple. D'ailleurs, il viendra à Marseille la semaine prochaine. Roberto Scarpinato, qui est le procureur de Palerme. qui est pour le coup un procureur très indépendant, ce qui lui a valu quelques déboires avec sa hiérarchie, puisque un juge a toujours quand même une hiérarchie, surtout les procureurs. Il a, à lui seul, saisi une somme en un an, il saisit en moyenne plus d'un milliard d'avoirs à la mafia. La France, la totalité des juges en un an, je crois qu'on saisit autour de 200 millions. Alors c'est en forte augmentation, hein, 240 millions, le dernier chiffre, je crois. Mais 240 millions d'euros saisis pour toutes les infractions de criminalité organisée en France en une année. Un seul juge en Italie, plus d'un milliard par an. Vous voyez, ça peut aussi permettre d'accélérer les choses, parfois, ces procureurs indépendants. Ce n'est pas la panacée, hein, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Mais ça permettrait de lever un certain nombre de blocages, ne serait-ce que psychologiques. Parce que vous avez des procureurs, si vous voulez, qui intègrent dès le début, dans leurs ambitions de carrière, le fait qu'il ne faut pas déranger l'autorité de public parce que vous ne mordez pas la main qui va vous nourrir. Et cette culture-là de la soumission vis-à-vis du pouvoir politique, elle produit des effets détestables. C'est-à-dire que vous avez des hommes qui eux-mêmes sont intègres, qui sont compétents, mais qui savent que culturellement, ils ne peuvent pas attaquer le pouvoir politique. Et dès que ça concerne le pouvoir politique, ils ont tendance à classer. On l'a vu avec l'affaire des biens mal acquis, qui impliquait des chefs d'État étrangers. Le parquet s'est opposé systématiquement, chaque fois, aux enquêtes, chaque fois aux demandes de Transparency International. Il a fallu des trésors de combativité pour l'association pour arriver finalement à ce que la Cour de cassation, en contradiction totale avec la position du procureur de Paris, dise « si, vous pouvez agir, et oui, il y a bien un problème. Et oui, on va faire les enquêtes. » Donc vous voyez, ça peut être aussi un facteur déclenchant pour contribuer à enrayer cette culture judiciaire de la soumission qui existe dans notre pays. Très centralisé, culture d'État, très monarchiste, je crois. Je ne vais pas dire ça à Versailles. Mais ça a des influences quand même notables encore dans notre culture administrative et institutionnelle. Je vais faire juste une petite remarque au sujet de la limite entre corruption, évasion fiscale, paradis fiscaux. C'est toujours un petit peu flou, d'autant que l'évasion fiscale peut se faire en toute légalité. Les lois sont établies, on peut... Et je faisais cette remarque à propos d'une des premières images que vous avez montrées en Europe, quand on comparait les pays. L'Irlande était en vert, donc a priori, la corruption, niveau de corruption plus bas. Or, c'est un paradis fiscal dont les Irlandais en ont payé les conséquences après la bulle financière. Donc c'est toute la limite corruption, décisions politiques qui ne vont pas vraiment dans le bien commun. Et quand on parlait tout à l'heure du bien commun et de l'intérêt privé, quand on a été soumis à une pression incessante comme quoi le bien public n'est finalement que la somme des intérêts privés, ceci explique un petit peu cela. Oui, vous avez raison d'établir ces parallèles. Enfin, moi-même, j'ai beaucoup écrit sur le sujet, parce que avant d'écrire sur le travail sur la corruption, j'avais publié un livre qui s'appelle « La part d'ombre de la mondialisation », dans lequel j'essayais d'établir et de montrer la pertinence, en tout cas, du lien à faire entre, d'un côté, les grands trafics internationaux, le blanchiment d'argent, la fraude et l'évasion fiscale, le tout dans ce contexte qui implique au plus haut point les paradis fiscaux. Et à cette époque-là, j'ai eu l'occasion de m'intéresser au cas de l'Irlande. Pour moi, clairement, ce qu'a fait l'Irlande, les décisions politiques qui ont été prises en matière d'imposition en Irlande, c'était du pillage pur et simple des autres pays européens. De manière ignoble, de manière délibérée, de manière ignoble, vous avez l'Europe qui a considérablement aidé l'Irlande pendant des années au titre des fonds structurels pour aider à rattraper son retard par rapport aux grands pays. L'Irlande en a énormément bénéficié et c'était un incroyable retour des choses que d'établir ce système de pillage organisé au profit de l'Irlande et au détriment des autres pays européens, avec un taux d'imposition à 12,5%, là où la France est à 33%. Donc c'était presque un peu plus d'un tiers dans un espace de libre-échange qu'est l'Union européenne, c'est du pillage. C'est plus que du dumping, c'est du pillage. Ça, c'est une vraie question. Moi, je crois qu'effectivement, derrière ces questions-là, évasion, fraude fiscale, j'entends encore les mots de Pierre Gattaz récemment, où on lui demandait, pour vous, quelle est la différence entre fraude, le problème de la fraude, l'évasion fiscale. Il disait, bon, je vais être très clair avec vous, la fraude fiscale, c'est très mal, ça doit être combattu, l'évasion fiscale, c'est légal, il n'y a pas de problème. Ok, mais la question, c'est où on fixe la limite entre les deux ? Parce qu'elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire, cette limite. Elle est très poreuse. Et même vous avez, dans la réflexion scientifique et géopolitique, vous avez de plus en plus l'apparition d'un concept, c'est l'idée de continuum licite-illicite. C'est-à-dire qu'on aurait une incapacité notable, de plus en plus grande, à établir clairement le lien, à établir clairement la séparation de ce qui est légal de ce qui ne l'est pas. Et c'est le cas en matière d'évasion de fraude fiscale. C'est-à-dire quand Total, par exemple, le numéro 1 du CAC 40, ne payait aucun impôt en France, c'était de l'évasion fiscale. Vous voyez, c'était une forme d'évasion fiscale tout à fait légale, etc. Puis ça a suscité un tollé dans l'opinion. Ils ont dit, bon, OK, on va renoncer à telle disposition. Et donc, d'un coup, on va payer, je ne sais plus combien, 300 millions, 400 millions, etc. Donc, simplement sur une disposition, en jouant au tel ou tel texte, ils faisaient la fleur à la France de renoncer à leur droit acquis pour payer 400 millions au public français. Je crois que dans le Falciani vient de sortir un livre à propos de l'affaire HSBC qu'il a dénoncée. Et alors, je ne sais plus les notions exactes, mais en gros, le pôle informatique et juridique de HSBC, chargé donc de gérer tous ces dossiers un petit peu troubles, un petit peu flous, a un budget annuel qui est supérieur à 10 ans de budget annuel de toute la recherche française, toute la branche juridique française pour lutter contre la fraude fiscale. Oui, je pourrais vous donner quelques autres chiffres rigolos, si vous voulez. Quand vous prenez le nombre de personnes qui, dans les sociétés, dans les grandes banques, travaillent pour ce qu'on appelle le service de conformité, dans le monde anglo-saxon, on appelle ça la compliance, qui, parfois, se trouvent impliqués au premier plan, c'est le cas dans l'affaire de la FIFA, c'est le cas dans l'affaire aussi de HSBC, puisque vous avez des très hauts cadres dans la conformité qui sont finalement accusés de corruption ou de blanchiment d'argent. Vous apercevez que finalement, parfois, dans certaines sociétés, j'emploie des précautions, vous avez ces personnes chargées de la conformité qui sont en fait les petites mains du crime, c'est-à-dire qui expliquent par quel pays il faut passer pour ne pas se faire gauler, qui expliquent quels sont les schémas à utiliser pour maximiser son impunité, qui expliquent, etc. Vous voyez, et quand vous savez, moi j'interviens par exemple auprès d'étudiants de Master 2, délinquance financière et criminalité organisée. Et donc je contribue à former ces étudiants qui essentiellement vont se retrouver ensuite dans le privé, aux meilleures techniques de blanchiment, de comment ça se passe en matière de criminalité financière, les problèmes, les schémas utilisés, etc. Pourquoi les meilleurs de ces étudiants, pourquoi le public, pourquoi nos institutions ne s'y intéressent pas? Pourquoi il n'y a plus aucune pratiquement voie d'accès à la magistrature? Pourquoi c'est tellement difficile aujourd'hui de rentrer dans la police? Pourquoi il n'y a pas de voie directe vers les services enquêteurs en matière financière? Pourquoi tout simplement les étudiants les mieux formés dans les facultés de droit et ailleurs en matière de délinquance financière, de blanchiment et autres, ne se retrouvent pas dans le public? Pourquoi le public ne vient pas chercher ces étudiants? Pourquoi ils se retrouvent tous à devoir aller chez KPMG? Pourquoi ils se retrouvent tous à devoir travailler dans les grandes banques internationales, etc.? Vous voyez, moi je me pose la question, vous avez des étudiants qui sont honnêtes, qui considèrent qu'il y a des problèmes, etc. Mais quand ils vont rentrer sur le marché du travail, le public ne veut pas d'eux, c'est clair, et par contre le public leur ouvre le privé leur ouvre grand les bras. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des multiples affaires HSBC à venir. On n'est qu'au début de ça. Vous voyez? Moi ça me frappe énormément. Alors que si vous êtes compétent en matière de corruption, par exemple aux États-Unis, vous allez intéresser les pouvoirs publics. On va pouvoir avoir des voies pour intégrer, comment dire, directement à l'administration ou aux services fiscaux ou parfois aux services de renseignement pour des chercheurs, pour des étudiants qui se sont distingués en droit, dans les autres compétences en matière financière et autres. On vient chercher ces compétences. Et on les paie à la hauteur de ce qu'elles valent, si vous voulez. Et donc on aide le public à protéger finalement ces institutions, protéger la loi dans ce sens-là. En France, moi, je suis quand je vois justement mes étudiants qui travaillent tous les uns à la suite des autres dans les grands cabinets d'audit et les grandes banques, je suis désespéré. Je suis désespéré. Et c'est lamentable. Comment laisse-t-on faire ça ?